Tu t'appelles Amter alors? Ah, c'est la base, hein, Ouais, tu dis quoi? Attends, Sophie, on sait, là, parce qu'on est, on parle là. Donc, on est à deux minutes, bonjour, ça va? Mettez-vous un casque, vous n'êtes pas, vous mettrez là, là? Parce que sinon, sinon vous n'allez rien entendre, il faut un casque. Salut, tu vas faire quoi aujourd'hui? Bon, toi aussi, attends. Tiens, tu as un casque. Il est trop court. Martin, je sais pas, tes câbles là, c'est une dinguerie quand même. Bah écoute, c'est pas très long câble, mais on est là quoi. Ouais, tu fais quoi? Ouais, il veut un casque. Ok, ok. On est bon. Il a un casque là, quelqu'un qui puisse le prêter un casque. Passe le casque. Tu veux venir? Faut te mettre là, ok. Est-ce que ça. Attends, c'est pas sûr que ça arrive jusque là. C'est quoi, ça ou quoi, tranquille? C'est pas l'équipe. Il faut aller là-bas en fait. Tu veux pas aller là-bas? Attends, on va pas. Non, non, attends, change avec MTR. Parce que tu vois, ça arrive pas les casques jusque-là. Je sais pas, parce que ces câbles-là, c'est bizarre un peu. C'est bien mêlé, je sais pas. Mais... Eh, madame, venez ici là, il y a une place. Bonjour, bonjour. Et on est à une minute à Dune, tu es prête? Dans une minute, on est en air, dans l'air. Oui, oui. En air. En air. Live. Oui, mais il allait commencer. Il allait commencer. Voilà. Pourquoi je fais freestyle, il n'y a pas de bruit, je sais pas quoi. Hein. Voilà, et c'est Dune qui présente, on est à une minute du direct là. Comme j'ai respecté tout le monde. Voilà, il faut juste donner un. Toi, tu mets un casque ou pas? Tu mets pas un casque alors, tiens. Ok, vous partagez le casque. Ça arrive pas jusqu'à vous. Sinon, changez avec MTR. MTR, tu lui perds ton casque là à elle. Tu peux changer le casque parce que les câbles, il est plus long. Pardon. CJ. Désolé. Tiens, parce que. Je sais pas, c'est son truc là. Je sais pas, j'aime pas les casques comme ça. Bon, mais alors, tu les prends. Ça va, une fois. Regarde, un casque grand là. Attends. Ok. Dune, tu peux présenter s'il te plaît là. Vas-y, on est en direct. Bienvenue à vous tous. Bienvenue à la radio Métanoïa, l'espace de liberté et d'expression pour tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Même leur petit numéro. Un peu de silence parce que je suis en train de présenter. Bienvenue à vous tous. Nous sommes nombreuses et nombreux aujourd'hui, donc ça fait plaisir. Donc nous allons, comme d'habitude, écouter des morceaux de musique, des slams, des raps, des improvisations, des expressions, des discussions. Donc bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, c'est MTR qui va commencer. Ça dit quoi? Donc il va nous faire un rap de sa propre composition. Donc on va l'écouter avec plaisir. Et Racine J également. On compose comme les ingrédients, nous, c'est comme ça, je connais. Moi, je vais juste mettre un son qu'on va écouter. Hein. Et pour te dire, on va composer comme les animaux, je connais. Ah ouais. MTR, ça dit quoi? C'est MTR, vous avez bien. Voilà. MTR, ça veut dire 93%, ça veut dire Montreuil, vous connaissez. Moi, j'ai nommé MTR parce que moi, je suis né à Montreuil, voilà, région parisienne, métro 9, voilà. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? De moi, de passe. Pourquoi? Moi, j'ai pas mis Bondy, ville parisienne, moi, je mets MTR parce que moi, je suis né là-bas. Carte d'identité marquée Montreuil, parce que moi j'ai mis MTR, de Montreuil j'ai mis MTR, tu vois, plus simple, tu vois. Et puis voilà, ça c'est mon place de mon département où je suis né. Ouais, sinon ça dit quoi l'équipe, vous allez bien? On va faire un petit son, un petit son tranquille. Caliente, hein, tu connais. Hein, voilà. Caliente, chou, à peu près temps. Ils sont là. CJ qui va nous faire... Non, moi je vais écouter. Qui va écouter. Je vais mettre un son, on va écouter. On va écouter avec lui. Alors aujourd'hui, il va nous faire écouter une musique. Donc avec plaisir, on écoutera ce que tu proposeras. Sophie, comme je disais tout à l'heure, un rayon de soleil, un plaisir de l'écouter, de lui parler, c'est de l'entendre. C'est bien, au moins il y a le soleil là. Ça a pleuvé maintenant, le soleil. C'est de moi qu'elle parle. Je parle minutes. De Sophie, notre amie voilà. Sophie qui est là avec nous, qui nous dit aujourd'hui. Merci. Alors Ringo qui est là aujourd'hui, qui est excité, qui a vraiment envie de parler, qui est comme une puce. Ringo est pressé. Le jet d'eau. Jérémy qui est là, qui va également certainement nous faire quelque chose aujourd'hui. Deux sons différents. Merci Jérémy. Bah, c'est très bien, c'est cool. Et nous avons des invités qui sont là, qui peuvent intervenir quand elles veulent. Pas de problème. Donc, nous sommes là pour les écouter et apprécier leur intervention. Donc, la radio est ouverte. Bienvenue à tous et à toutes. Et au plaisir d'écouter les réalisations de chacun. MTR, tu peux commencer. Bah ouais, l'équipe, vous avez bien, c'est MTR, 93%. Parce que moi j'ai nommé. MTR, on a un invité surprise. Vas-y, vas-y, le freestyle, je fais quoi ? Mohamed, Gelaï, vas-y. Mohamed Gelaï. Ouais, bonjour Mohamed. Ouais, c'est notre Mohamed Gelaï. Continue, calcule pas. Voilà. Ouais, l'équipe, je fais mon freestyle, ça y est. Sinon, t'as pas fini. Hein. Il y aura trop de va-y-vient. À partir après, c'est pour ça que je vous fais l'équipe, je fais un petit freestyle, après je pars. Ouais, c'est MTR, c'est Montreuil, 93%. Voilà. Vous allez bien, sinon, l'équipe, ça a été votre journée. Voilà. Moi, mon freestyle aujourd'hui, c'est. Mon freestyle à moi aujourd'hui. J'ai composé mon freestyle. Attendez, je cherche la liste là. Là, je parle d'une reine qui se transforme. C'est une transformation de la reine. Oui. Là, c'est mon petit projet là aujourd'hui. Vas-y, on te transforme de la reine. Bon, l'instru, il est où ? Il y a Jason, il y a des jeunes qui viennent d'arriver. Allez, lâche l'instru. Il s'appelle John. Vas-y, commence tout de suite avant qu'il y ait encore des jeunes, des gens qui arrivent. Bienvenue à John. Allez. Faut pas te laisser impressionner, vas-y. Allez. Caliente, caliente. Ok. Está caliente. Si sex and soul. Ouais, ouais. Tu vois, petit. Voilà, il y a de la joie aujourd'hui ici. Hein. C'est bien. Même si le soleil est parti, c'est pas grave. On a la joie, on a l'arc-en-ciel, c'est tout ça. C'est ça, la vie. La vie d'artiste, comme on dit. Il y a plein d'artistes ici. Artistes forts. Vas-y. On arrête de t'embêter. Vas-y. Le freestyle, s'il vous plaît, l'instru. Il est là, c'est. C'est lui. L'instru. Ah, okay, d'accord. Vas-y, ok, vas-y. C'est ton associé là à côté. Ouais, allez, ouais. Maître Games. Mon ange gardien. T'as réveillé Martin d'un coup. Et au fait, t'es instruit là. Martin. Ah, que j'ai dit. Arrête. Aujourd'hui, je sais plus. Ouais, stop, voilà, là, on est en direct, on est sur Pinot. On est le métanoïaque. Nouveau bigarche. Non, mais arrête, non, c'est pas des publicités. Et après, Mohamed Gelaï, il va nous parler des Peugeot. De tout ce qu'il sait, il connaît. Il cherche quoi ? Il cherche un livre. Un livre imaginaire. Un livre qu'il lui-même va créer un jour. Oui, bien sûr, il va le trouver, bien entendu. MTR. C'est le livre rouge de Jung, peut-être. MTR 9300. Bon. Quand ta reine arrive, elle se transforme en Mario. Elle a fait des missions du château pour voir son roi. C'est le roi de la maison de la princesse. Elle se transforme en pirate, sa maîtresse. C'est la guêpe, elle se transforme. Son miel et en abeille. Elle abuse quand le butine du miel. Et Dalton. Quand elle butine du miel, c'est une Dalton parce qu'elle est une pirate. Elle passe dans les prisons, menottée. Elle est au placard parce qu'elle passe. Sa voiture est cassée, son pare-brise est découpée en deux, c'est une rondelle comme si c'était un olive. Quand tu viens à Bondy, t'es menotté en prison quand tu passes. Roulant Clio 4 RS. Tu passes, tout le monde vient, ça chasse. Un coup de rafale dans la tête avec le pilote, ça chasse. Toutes les glaces on sort de la tête parce que t'es mort. T'es un pirate, comme l'âge de glace. Coup de tête dans la. Coup de patte dans la tête, t'es mort, t'as du sang qui sort. C'est du rouge comme de l'encre, c'est rouge. Le ciel. Arrive. Quand tu regardes l'esprit, c'est les fantômes. Mais c'est pas les fantômes, c'est 13 fantômes. Tu regardes le film quand c'était petit. Quand t'étais petit. Tu regardes le paysage. C'est pas comme à l'ancienne. Aujourd'hui c'est le futur, retour vers le futur. Quand tu croises des gens, ils sont mauvais parce qu'ils ont un regard sombre. Il faut regarder les gens bien, comme si c'était les Parisiens. Quand tu passes dans la tête avec le ballon de foot en 98 quand j'avais un an. J'étais petit quand il y avait la coupe du monde. Aujourd'hui j'ai 27 ans, 97, bientôt 28 ans. Aujourd'hui c'est le futur, mais demain ce sera le futur. Le passé c'est fini, le futur c'est maintenant, retour vers le futur. Les arbres et l'éclair, le coup d'éclair. Quand tu manges un éclair au café, ton éclair sort du doigt. Elle est brûlée, sa tête est brûlée, en tête brûlée, enfant. En se trouille, la citrouille est brûlée. C'est le feu qui s'allume, le pétard s'éteint. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, mec! À la caliente, comme on dit! Bravo à toi! Hein. Bravo! C'est qui le deuxième? Merci, MTR! Merci, MTR! Parle le micro! Le texte est bien écrit, mais tu le vis pas, MTR! Ah ouais? Tu le vis pas! Pourquoi? Le texte, il est bien écrit! Mais parle au téléphone! Quand tu dis, les pétards s'allument, ok, je vais brûler. Tu vois, vis ton texte, frappe fort, comme si c'est de la boxe, tu vois. Ouais, le sais, ouais. Tu vois, comme on dit, caliente, t'es comme on fait. Non, mais, il est, c'est son. Vis-le. Ouais, le sais, j'aime. Vis-le, le texte, vis-le. Le texte, il est bien, mais vis-le. C'est son style aussi, hein. Là, t'es dans les temps. T'as un BPM, t'es dans les temps. Vis-le, ton texte. Vas-y. Je veux dire un truc, t'as vu, moi, je fais mon texte. T'as vu, c'est pas comme Kams ou je sais pas quoi. T'as vu, moi, j'ai mon rythme à moi, tu vois, je vais pas faire très très. J'ai mon propre BPM, c'est-à-dire que quand je fais mon texte, tu vois, mon cerveau il commence à imaginer des trucs, tu vois. C'est pour ça. Mais après, votre avis, c'était comment? C'était bien à améliorer? C'était bien, Pierre. Ah ouais. Bien sûr, ouais. C'est bien, mais vis-le. Et la passion, la niaque, la rage. Après, t'as vu, après, j'ai fait mon texte, t'as vu, je voulais changer un peu de thème. Parce qu'au début, je suis arrivé ici, c'était les mêmes textes un peu, c'est vrai. Doudou, il m'a dit... Ouais, frérot, fais un texte, voilà, mais. Change de thème. Après, j'ai changé, tu vois, ça, un c'est peu. Bien. C'est. Et voilà. Il le fait comme Gringo. Prends Gringo comme exemple. Attends, parle au micro, Jérémy. Gringo, c'est le contraire de toi. Il a pas de texte, mais il vit son flow. Ouais. Ouais, mais on il n'a pas de texte, mais il vit tous son les flow, trucs que je chante, je les écris avant de chanter ici, mais j'ai pas besoin de texte. Ça, j'ai un ordinateur dans la tête, mon gars. Après, chacun sa technique, chacun sa technique. Après, je sais pas si t'as aimé, tu peux me dire que t'as pas aimé, c'est toi qui vois. Les 35 musiques. Non, vis ton texte à fond, vis ton texte à fond. Après, j'ai... Vis ton texte à fond. Quand je fais un freestyle, t'as vu, ça sort comme ça du cœur, tu vois. C'est pas, j'ai pas inventé, tu vois. Mais moi, en même temps, j'aime bien son style de musique. Tu sais, il y a des gens qui chantent posé. C'est pas besoin de, voilà, tu vois, tout le temps être énervé. Non, mais tiens, mais parle, grâce un peu avec nous. Parle un peu avant que tu parles. Viens, c'est toi là. Prends ton casque et tu parles. Tu veux parler aussi? Prends le casque. Ouais, je vais parler. Vas-y, prends ton casque, t'écoutes. Avant, on va faire une petite déception. Oui, on va faire une écoute. Et on a de nouveau de retour notre chroniqueur. Attends, ton nom de poète, c'est quoi déjà? Vas-y, Martin, j'y vais, vas-y, à la prochaine. Poète. Martin. Au revoir, MTR. Merci, MTR. Super, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'est Iqbal Muzamel Hussein. Iqbal Muzamel Hussein. Muzamel, voilà, Muzamel. Tu veux parler quoi aujourd'hui, Muzamel? Vas-y, on t'écoute. En fait mon prénom, ouais. Muzamel, ça veut dire Muzamil, c'est le sourate. Ouais. Ça veut dire c'est le deuxième prénom du prophète. Ah, deuxième prénom du prophète. En fait, le prophète, il avait froid, il y a la pluie. Il y a la pluie, le vent, il y a le froid, il s'est couvert. Et sa femme, elle a dit Muzamil. Elle l'a appelé Muzamil comme ça. Ça pue là. Ah oui. Et ton nom, c'était mis par rapport au poète, ça? Enfin, par rapport au prophète qui t'ont mis ce prénom. Ouais. Quoi. Ouais. Et toi, tu penses quoi? Tu penses quoi de la poésie? Ouais. C'est important pour toi, la poésie? Ouais, c'est important, ouais. Tu crées des poèmes des fois, tu penses des poèmes, tu entends des poèmes? Oui, j'entends des poèmes, ouais. Tu peux nous dire un poème comme ça? Tu peux improviser un texte ou un poème ou fermer les yeux et dire ce qui se passe par ta tête? Non, j'arrive pas, c'est compliqué. Bah, en tout cas, on aura une scène. Hussein, c'était un guerrier. C'était un guerrier qui s'est prosterné, miskin. Et on lui a coupé la tête quand il s'est prosterné. Ouais. Ah oui, et pourquoi il a qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont coupé la tête? Je sais pas, parce qu'il y avait la guerre, quoi. Ouais, il y a trop de guerres dans le monde en ce moment. Ouais, il y a trop de guerres. Comment on pourrait arrêter les guerres, Muzamel? Comment on pourrait arrêter la guerre? En respectant toutes les origines et croyances. toutes les origines des croyances. Toutes les origines des croyances et en croyant que le territoire n'appartient qu'à Allah. Qu'à Allah. Ouais. Le territoire d'où tu es, ça appartient pas, ça appartient à Allah. C'est Allah qui a créé la terre. C'est pas toi qui l'a créé ce territoire. Il n'y a pas de propriétaire. Mais Allah, il a créé la terre pour qui d'après toi? Allah, il a créé la terre pour qui? Pour qui d'après moi? Ouais. Pour l'être humain. Ouais, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de nation, il n'y a pas des états. Ouais. Ouais, mais est-ce que c'est nous qui a créé la terre, qui a créé la terre de nos propres mains? Bah, quand même, ouais. Je pense que Dieu, c'est partie de nous, non? C'est une partie de nous? Ouais, c'est une partie de nous. Ouais. Donc c'est un peu nous aussi. C'est une partie de nous. Ouais, ouais, mais je dirais pas que ça appartient à moi. Le Pakistan, il appartient à moi. La France, elle appartient aux musulmans. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est toute la terre appartient à tout le monde. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, je pense qu'il faut éliminer tous les états-nations. Ouais. Il y a pas de nom de pays, il y a pas de drapeau, il y a pas de passeport, il y a pas d'ennemi. Il y a un drapeau mais que bleu, blanc, rouge, que français. Même pas la France. Si, la France. si, moi j'aime bien la France. Ouais, on aime bien tous les pays, mais tu sais, si tu fais qu'un pays. En fait, parce qu'on est obligé de faire ça, mettre la France dans le monde entier. Parce que sinon, l'autre il va dire c'est, nous on est américains, nous on est africains, nous on est. Donc on est obligé, on se sent obligé de mettre la France à l'échelle de la carte mondiale. On ne peut pas dire qu'on est les métanoïaques, par exemple. C'est le grand univers métanoïaque, donc il n'y a pas de pays. Là, ici, on n'a pas de pays. Tu vois, on est tous territoires, on est tous ensemble. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire qu'on était tous les enfants du monde et qu'en fait, on appartenait à la planète. Et ensemble, on se donne tous la main et on fait tous le tour de la Terre. Voilà, et qu'il n'y avait pas de différence entre les uns et les autres, malgré les divisions que certains opposent entre les gens. On est tous ensemble. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées, voilà, citoyens du monde, avant toute chose. Ouais, et Mohamed, tu veux dire quoi sur le monde, là? Comment on peut... Monsieur, moi je veux dire que tout le monde entier, que le monde entier... Que le monde entier doit être français. Non, c'est pas possible ça. Le monde entier ne peut pas être français. Il faut le faire, on est obligé. Pour éviter la guerre. Pour éviter la guerre, on est obligé. Espagnols. Pour que tu votes, il n'y aura pas de guerre. C'est pour que tu votes, c'est tout. Je veux dire, le NATO, je veux dire la France. Je veux dire, en fait, toute la terre entière, ça doit être le NATO. Le bateau. NATO. Ah, le bateau. Pas le bateau. C'est quoi le NATO? L'ATO, c'est-à-dire quoi? Le plateau. NATO. L'ATO. La fête. La fête. 92, 2040. Garde. Ah bon? 92, 40, la fête. Voilà, c'est la prophétie de Mohamed. Bon, allez, suivant. Mohamed est là. Sportif. Voilà, il faut changer la guerre pour la fête. C'est ça, symbole. C'est... Il a la solution, Mohamed. Hein. Il a la solution totale. Bon, on continue. Ouais. Il a dit quoi, Mohamed? Il a dit qu'à la place de la guerre, il faut faire la fête. À la fête entre tous les pays. Martin, il y a sa rubrique sportive. Enfin, docteur, ce Martin, ça me fait bizarre. C'est comme si on était actifs. Parle au micro. On n'est pas des fous non plus. Un psychologue, c'est pas un docteur. Attends. Vas-y, parle. Mais quand on n'est pas des fous, on n'est pas des fous non plus. Quand on est en colère, c'est impossible de faire la fête quand on est en colère, on est d'accord ou pas? Ouais, attends, mais il y a trop de bruit là, j'entends. Est-ce que vous pouvez un peu écouter ce qu'il dit, Mouzamel, s'il vous plaît? Parce que c'est important, c'est ce qu'il dit, vas-y. En fait, c'est quand on est en colère, ouais. C'est impossible de faire la guerre quand on est en colère, on a envie de tuer des gens. Ouais. C'est impossible de faire la guerre, donc ce que Mohamed a dit, c'est illogique. Non, mais ça peut changer, on peut vraiment transformer, en fait, parce que finalement, c'est une expression, une pression interne, mais si on n'a pas d'ennemis, s'il n'y a pas de nation, on n'a pas besoin de faire la guerre. Il n'y a pas de milices, parce que l'autre, c'est la même chose que nous, donc il n'y a pas, c'est pas la Russie, l'Ukraine, il y a tout le monde a les mêmes nationalités, quelque part. Il n'y a pas de nationalité, en fait. Tout le monde a la même nationalité. C'est l'international. C'est français. Et c'est la nationalité internationale, c'est tous internationaux. Mais au-delà de la politique, de la religion, on est dessus, t'inquiète, on est dessus. au-delà de la politique, de la religion, des peuples, des territoires, de tout ça. Attends, attends, laisse qu'il parle, Jérémy, un peu. Au-delà de la religion, des politiques, du territoire, des nations et autres, et des richesses diversifiées dans le monde, des richesses naturelles, en vrai, il y aura toujours la guerre, parce que en fait, il y a une partie de l'être humain qui adore la guerre. D'ailleurs, attends, attends, c'est éprouvé par les Grecs. La vie, c'est une aventure ou une guerre. Attends, attends, partagez. Chacun, il raconte que de la merde. Qui aime la guerre? Qui aime la guerre? Vous aimez la guerre, vous? Non. Vous aimez la guerre, vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la guerre ici? Non. Bah viens, bah ramène la guerre, ramène-moi un kalachnikov. Il n'y a pas que cette guerre. Attends, attends. Écoutez-moi, ça doit le monde entier, le monde entier. C'est pas que prendre une arme faire la guerre. Il y a des guerres économiques. Le monde entier. Il y a des guerres économiques. Mais on s'en branle de ça, on s'en branle. C'est des fils de chiens qui font ça. Ouais. Ah bon, les guerres économiques? Ouais, c'est des fils de chiens qui font ça. Ouais, mais en attendant, ces fils de chiens nous mettent dans la merde. Ouais, voilà. Tu vois? Ouais. Parce que toi, tu crois que la guerre, c'est sortir une Kalachnikov. Donc pour eux, t'es un comique. Ils se font des sous sur toi. Parce que dans la tête, tu crois que faire la guerre, c'est faire la guerre avec des armes. Alors qu'il y a plusieurs sortes de guerres. Donc en gros, tu passes pour un comique, le dindon de la farce. Tu comprends? Mais en fait moi, à mon avis, le monde entier, le monde entier doit être dans le NATO. Dans le NATO, autant. Je sais pas si ça veut dire c'est quoi. Dans le NATO. NATO. C'est quoi le NATO? Il parle de l'OTAN. L'OTAN, tu sais ce que tu dis? C'est un ensemble de pays qui sont réunis. De Gaulle, il a sorti la France de l'OTAN. Est-ce que tu es au courant de ça? De Gaulle, il a sorti l'OTAN. La France de l'OTAN. C'est Sarkozy qui a remis la France dans l'OTan. Je parle pas de l'OTAN, je parle. Ah ouais? Bien sûr, c'est Sarko, il a remis la France dans l'OTAN. Bah, c'est un bon alors. Non, c'est pas un bon. Bah, c'est un bon alors. Non, bon. Qui dirige l'OTAN? Qui suit l'OTAN? Qui dirige l'OTAN? C'est la France qui dirige l'OTAN. Non, t'es loin, c'est la France. C'est les États-Unis qui guident. C'est les États-Unis. C'est la France. Nous, la France, on suit les États-Unis. Je te dis que c'est la France. Et tu sors d'où tes sources? Est-ce que ce serait une guerre mondiale? Et tu sors d'où tes sources? Est-ce que ce serait éventuellement le monde? Quand tu regardes les panneaux, tu as du bleu, blanc, rouge, partout, non? Ouais, ils sont tous des guerriers. Chaque nation, c'est une guerre. C'est pour ça l'anarchisme, c'est intéressant. Parce qu'il n'y a pas de nation là. Là, je mettrai une machine gun de Mano Negra. Tout le monde entier doit être NATO maintenant, Jude. Maintenant, Jude. C'est quoi ce bazar? Le monde entier doit être le NATO. Ils font la guerre. Le monde entier doit être le NATO. Non, mais NATO, c'est le même problème que les autres. Le monde entier, le monde entier. Oui, mais il n'y a pas de NATO. Il y a le monde entier, c'est pas de nation, pas de nombre. Enfin, le métanoïac, par exemple. Non, pas ça. Ça va jamais marcher. Faut que ça soit le NATO, le monde entier. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a que quelques pays qui refusent de se mettre dans le NATO. Sinon, le monde entier, c'est le NATO. Bon, alors, c'est ton opinion, mais il y a des gens qui opinent différemment. C'est quand tu essayes d'imposer les choses aux autres, c'est là qu'il commence la guerre. Il faut respecter le. Il faut les imposer, il faut qu'ils respectent eux aussi. Il faut qu'ils respectent. Sinon on les démonte. Non, il n'y a pas de guerre ici. Écoute cette chanson. Jason, tu fais ta rubrique sportive? Là, il y a la Yeah. fais ta rubrique ? Ah, mais j'aime pas. Ah, d'accord, mais écoute. Tu veux dire quelque chose ? Enlève ton son, là. Bon, on avait retour après ces moments de... Oui, mais chacun peut s'exprimer comme il veut, mais c'est intéressant, c'est une discussion qu'il faut vraiment pousser au niveau international, tu vois, parce que toutes les nations, les nominations imposent les autres à une espèce de soumission à une idée. Même si tu penses que c'est la meilleure idée, nous, on est la multi-internationale sans nation. Voilà. Le métanoïac. Il faut que tu... Sophie, parle au micro, parce que sinon, t'entends rien. Là, voilà. Donc Ringo, tu peux lui prêter le micro à Sophie parce qu'elle veut dire des choses. Ah non, mais moi j'ai rien à dire. C'est-à-dire que moi je dois parler, lui doit parler, lui doit parler, machin. Il est bientôt 18h. Non, il donc, est 18h24. Donc voilà, il est parti avec une tête de vainqueur. Donc voilà. Non, mais voilà, il était, on l'a sorti 10 minutes d'en bas, il est hospitalisé, il a nul le droit de s'exprimer, il peut quand même s'exprimer, quoi. Voilà. Et ici, voilà, il ne faut pas oublier qu'on est dans un hospice psychiatrique, on a le droit à la folie. Oui, mais je sais, mais. On a le droit à la folie, là. C'est ça. C'est pour une fois qu'on a le droit à la folie, quand même. Une page de publicité. Bon, alors, est-ce que tu peux présenter les prochains. Vous pouvez présenter les prochains chroniqueurs. Jason. Mais bien sûr qu'on a le droit d'être taré, mais le gars était taré tout seul depuis 15 minutes. Mais attendez, qu'est-ce qui vous arrive là les... Oui, il a lancé un débat, mais comme tu... Bon, bref, ça faisait plus de 15 minutes et toi, t'es même pas passé. T'es même pas passé. Parle au micro, Jérémy, parce que n'entends rien si tu ne parles pas au micro. Le timing, il va être juste aujourd'hui, très juste. Attends. Il y a John aussi. Le timing aujourd'hui, il va être très très juste. Mais bon, je pense que ça va le faire. Faut juste qu'on sache se répartir la parole assez speed. Hein. Moi, deux sons, je le fais en one shot. J'ai pas le temps de. Bon, il y a notre chroniqueur. Fuego, on est en mode Fuego aujourd'hui, on va passer vite. Ouais, on va pas s'attarder. On va le faire Fuego. Mais vous êtes fou, il fait froid. Fuego. C'est Mohamed Gélé. Attends, je ferme. Attends, donc on a notre chroniqueur du sport qui vient d'arriver, John. Qui vient d'arriver. Tu viens d'où, John ? D'Espagne. Tu viens de l'Espagne ? Alors tu vas nous parler de la semaine sportive. Vas-y, John, prends le micro et c'est à toi. J'étais au stade Luis Companys, Olympique Luis Companys. La rencontre entre le Barça et le Celta Vigo. Ouverture du score par Ferran Torres à la 12e minute. Et un triplé de Banda Iglesias à la 15e minute. 52e minute et 62e minute. 3-1. Ensuite, le Barça revient avec un but de Dani Olmo à la 65e minute. 3 minutes plus tard, égalisation sur un centre de Lamine Yamal. Buteur Rafinha à la 68e minute. Et grâce à la VAR, penalty pour le Barça. Pour Rafinha qui fait un doublé en marquant le penalty. Score final 4-3. Ok, il y a plein de matchs cette semaine aussi, non, Jason ? Ouais, hier j'étais au même stade. Là, Olympique Lucas Panis. Ouais. Entre Barcelone et Mallorca. Et alors ? Et Marior qui a résisté une mi-temps. Mais celui qui a offert la victoire au Barça, c'est à la 46e minute par Dani Olmo. Score final 1-0. Et samedi, il y a la finale de la Coupe du Roi entre le Barça et le Real Madrid. Tu veux fermer ? À 22h. Ok. Et après ? Ensuite, la semaine prochaine, il y a la Ligue des Champions avec Arsenal, PSG, Paris Saint-Germain. Oui. Moi, tu dis Charo. Tu suis, toi ? Tu ouais. suis ? À fond ? À fond. Je suis le Paris Saint-Germain. À fond. Arsenal, PSG. Attends, parle au micro, parce que sinon, t'entends rien. Mets-toi ça, sinon, t'entends rien. Arsenal PSG au stade Emirates Stadium en Angleterre. Un avantage pour Arsenal. Et le lendemain, il y a Barcelone-Inter au stade olympique Luis Companys à Mondrick. Le 30 avril. 29 et 30 avril, demi-finale avec les champions. C'est où la demi-finale? Ça se passe où? En premier, c'est à Emirates Stadium, Arsenal-PSG. Et ensuite, c'est Barcelone contre l'Inter. Tu vas être sur place, j'imagine. Ouais. Tu n'as pas une place pour nous, là, qu'on aille tout dans la radio métanoïaque? Non, il n'y a rien. Non, on va t'en donner un micro pour que tu puisses transmettre l'ambiance de le stade et tout ça, tu vois. Ouais. Et ensuite, il y a le classico Barça-Real Madrid. Vas-y. Le 11 mai à 16h15. Week-end du 11 mai. C'est tout. Ouais, merci, super. C'est la chronique des Haïtiens, excellente. Ah, il y a bien. Attends, c'est pas fini. Il y a bientôt l'Euro féminin. Micro. Cet été, il y a l'Euro féminin. Tranquille. On va voir si les Françaises de Wendy Renard et les autres vont essayer de gagner l'Euro. D'accord. Pour les Françaises. C'est tout. Bon, c'était la chronique de Jason. Très excellent. Merci, Jason. Bravo. Avec John, pardon, c'est John. John. Bravo, John. Je m'attends un son, là. Ok. Je m'attends un son, là, vite fait. Et alors, qui... Alors, ça va partir à la caliente, là, la musique, allez. À la caliente. Je vais mettre un son à écouter là. Et après, c'est à elle de parler aussi, elle n'a pas parlé. Hein. Ok, tu vas chanter. Je vais mettre un son. Toi, tu vas chanter aussi. Hein. Quand c'est le moment de lancer votre entreprise. Attends, mais il n'y a pas les publicités. Attends, mais tu baisses les volumes. Attends, hein. Je suis en train de baisser. Ouais. Faut que tu ailles plus vite que. Bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, remets le son. Moi, je passe après CJ. Hein. Ouais, vas-y. Tout le monde. Ouais, c'est DJ. Et puis on finit à Ringo, comme toujours. Voilà. Ringo en force à la fin. Non, deux musiques. Arrête, frère. Attends. Tu les as laissés bien deux musiques, alors je chanterai deux musiques. On a l'oseille, tu sais que l'oseille, ça sert à rien d'autre qu'en faire plus. J'ai pas attendu le rap pour faire ma vie, tu crois que ça m'amuse. De l'IAS grande comme chaque kilonné, je sais pas si tu imagines. Ils font de la magie, ils veulent mettre du sable dans la machine. Deux, trois choqueuses, un million de choqués, je fais leur compte à l'année. Ils sont en mer, ils sont en pirogue, ils ont pas de quoi ramener. De riches amis, les 200 amis, le plus dur qu'à faire que rappel. Ils disent mon blaze au fiso, ils m'appellent en viso, donc je sais pas rappeler. Un point, j'paye le criave, j'raye la jante, tout payaf, sans colle, moi c'est plus avant. J'bosse pas la cible depuis hier, j'aurais envoyé en pierre, même dans la mer on a pillé. Tu souhaites la mort dans tes prières, on va te ramasser à la cuillère. Je compte sur un yacht, je compte dans un piano. 2 millions de billets, 2 millions de diamants. Je lui ai pas mis l'anneau, je lui ai mis la laisse. I'm tryna run up these hundreds, you only live once, fuck a rest. Fast when we Paris, I'm paid, you know we come through, we can mess. J'claque, t'es bon, diminué. Compte pour voir cash à diminuer. On fait pas de faute dans le labo. Et comme dans le punk, ça pue la beuh. VVS on every watch. Baby look like Betty Bob. French, I move up, Betty Pop. Ever let him play with him, I bet he not. I'm trying to see the topic, it's in the game. I can't hang around, goofy niggas name. They should be ashamed, I've been putting pain. On répond à la peine, les jours de la paix. C'est Dieu qui donne, on a tout ce que l'on mérite. Donc c'est pas moi qui vais donner ma belle. I need my bread out the gate like there's no time to wait. Ain't my money, then don't even doubt. Testing my thing about my stupid decisions. How life for the one shit I took it to trial. Millies on millies, been up for a while. Now they hated the kid, fuck it, look at me now. This ain't pretend, he really him. Probably 100,000 on me now. I'm tryna run up these hundreds, you only live once, fuck a rest. Fashion week Paris, I'm paid, you know we come through, we can mess. J'claque, dip on diminué, quand le pouvoir d'achat diminué. On fait pas de faute dans le labo, et comme dans le punk, ça pue la beuh. VVS on every watch, baby look like Betty Bob. French, I move up, Betty Pop. Ever let him play with him, I bet he not. I'm trying to see the topic, it's in the game. I can't hang around, no goofy niggas name. They should be ashamed, I've been putting pain. On répond à la peine, les jours de la paix. C'est Dieu qui donne, on a tout ce que l'on mérite. Donc c'est pas moi qui vais te donner ma belle. Assieds-toi un peu avec nous. C'est toi qui donne, on a tout ce que l'on mérite. Flash when we Paris, I'm paying. You know we come through, we got mess. Donc c'est pas moi qui fais donner la belle. I'm tryna run up these hundreds. You only live once, fuck a rest. Ça c'est toi, CJ? Non, c'est pas moi, c'est Warrenway. Ok, vas-y, mais on t'attend, toi, à toi, toi t'es meilleur que tout ça. Ah ouais? Bah oui, vas-y. Bah oui, ouais. CJ. CJ, vas-y, CJ, tu vas, vas-y. J'ai pas de son, j'ai pas de son. Tu as pas, t'as rien aujourd'hui? J'ai pas de nouveau son. Oh, qu'est-ce que tu as fait pendant les vacances? Un ancien, J'ai pas fait de nouveau son. Faut que tu fasses de nouveau son, sinon on est, nous, on est affamés de ta musique. Ah ouais? Voilà. Bon, qui alors? Jérémy. Ouais, l'onglet que je t'ai mis, il y a... Alors, il y a Black Ace qui prend le... Ouais. Il y a un des onglets. Là. Je commence sur celui-là, et après, je dans la barre de recherche, j'ai mis l'autre. Dans la barre de recherche, j'ai mis l'autre. T'as pas enlevé la barre de recherche? Tu l'as enlevé, c'est ça? C'est là. Oui, mais sur la barre de recherche, j'ai mis le son. Le prochain, regarde. Je t'aide un peu. Non, tu vas pas t'en sortir. Ça, c'est celui, je commence. Vas-y, vas-y, vas-y, mets-le. Ce que j'avais écrit, c'était préparé. En fait. Viens là, moi, je m'enregistre, ça c'est clair. Ah, ça c'est clair, je vais mettre sur TikTok. Ouais. Dans le direct. Bon, il y a le changement de plateau. Changement de plateau, changement de... changement d'état d'esprit. Voilà, qu'est-ce qu'il nous fait, notre ami Jérémy? Il prépare sa nouvelle musique. Et, votre prénom, c'est? On peut pas charger les téléphones ici? Ami. Ami nous prépare aussi quelque chose. Hein. Tu vas chanter, parler. Ouais, vas-y. Ça sera bien. On peut charger les téléphones? J'ai pas de câble. C'est un iPhone, ton téléphone? iPhone 15. Tu vois, regarde. Ce que je fais, regarde. Bon, changement de plateau, il y a des choses qui bougent partout. Regarde, il y a combien de batterie? Martin, ça va, je te promets. Alors. Regarde. Là, c'est la première instru. J'ai pas de chargeur iPhone. Attends. Ensuite, après cet instru, tu vas ici là. Pour la deuxième instru. Mais le truc, c'est que tu me l'as enlevé encore. Mais bon. J'ai envie d'aller à la salle, là. Bon, ah ouais. Alors, c'est à qui le tour, là? Tout à l'heure, tout le monde voulait s'est jeté sur le micro, voulait pas laisser parler les autres, et là, personne ne parle. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas ça, c'est que... Pas au micro. Sophie, au micro, Sophie. Sinon, va assis là-bas où il s'élève. Parce que comme il a beaucoup parlé, du coup, bah, ça raccourcit le temps. C'est tout. Ouais, mais là, on a le temps et personne ne parle. Bah, parce que tout le monde est coupé dans son énergie. Bah, ouais, hey, allez-y, là. Voilà. On attend depuis tout à l'heure. Bon, bah, vas-y, fais ta pioche. Allez, fais ta caliente, là. Fais-toi plaisir. Moi, je crois que je vais y aller. Lui, c'est pour la fin. Vas-y. Tu vas y aller? Ouais. Lâche tout. Ah, t'es voilà. Pris à ce point? Ouais. Salut CJ, merci. Salut CJ. Salut CJ, tu viens samedi? Viens samedi. Pourquoi tu t'en vas? Alors, t'as noté pour l'emploi? Mohamed Gelaï, assieds-toi là. Tu leur mets la pression. Mohamed, mets-toi là, tu parles, tu prends les casques. Là, regarde, là, il y a la place CJ. Là, il commence à quitter le nid. Attends, ça fait bizarre sans lui. Ouais, ça fait bizarre. C'est tout pourri. C'est tout pourri. Après, moi, je me fais engueuler parce que l'autre, je l'ai coupé. Nous irons tous au paradis. Attention, mesdames et messieurs, l'instant, ça commence. Ça, c'est la bombe du monde, en plus, national, dans tous les prix. Tout, il faut des pompes à essence. Comme monsieur dans la zone, je crois, tout à l'heure. Et l'autre, Maurice Cartier, Ginette. Et cette clinique, aujourd'hui, on se casse. C'est bon? Encore. Des hypocrites. Ça ira. Tiens, ouais, c'est bien. Ah, voilà, c'est Mohamed Gelaï qui est moi qui vient c'est dire là. Bon, et sinon Ringo, tu veux y aller là? Vas-y, pendant qu'il prépare, vas-y toi. Je te montre. Voilà, il est coupé dans son élan aussi. Pourtant lui, pour qu'il se la perde, faut y aller. Je commence avec celle-ci et ensuite tu vas en arrière pour l'autre instru, ok? Bon. Mais lui, du coup, il parle plus. Parce que là, il est presque 18h qu'on a. Attends. Prends les casques. Faut juste le remettre depuis le début. Mais bien le casser. Parce que là, il est. En tout cas, moi. Un peu le volume de l'instru. Re- remets en arrière depuis zéro. Ah c'est beau. Les quatre saisons sont passées, mes souvenirs m'ont rattrapé. De hier à demain, nous sommes peut-être sur le même chemin. Les quatre saisons sont passées, mes souvenirs m'ont rattrapé. De hier à demain, nous sommes peut-être sur le même chemin. Belle Alseka, et tu reconnais style et la dresse en soum soum. Ma plume peste, elle a un requin baleine. No joke, push on the press up. Non stop, we be together. Mes lyrics sont nos limites, donc ils m'imitent. Le mili, juste mimi, oui oui, il est mimi. Les anges et démons ont des ailes. La beauté n'est pas une déesse. Appelle-moi pour le prix Nobel. Je réponds présent pour le prix pour M. Je réponds présent pour le prix pour M. Yeah. Les quatre saisons sont passées. Les souvenirs m'ont rattrapé. De hier à demain, nous sommes peut-être sur le même chemin. Faut qu'on se booste, faut qu'on bouge. Faut du flou, ce bel écho fou. Dur de dire nous lorsqu'on est ensemble. Parce que l'amour foule me fait perdre conscience. La philomatique en toute pratique devient une science à vie. Lady sont sexy, c'est chaud. Il y a l'équipe, c'est chaud. Tu as saisi, c'est chaud. Associatif, c'est chaud. Les quatre saisons sont passées. Seul ou à plusieurs, sauvegardons la solidarité. Instinct naturel afin de quitter la précarité. Ensemble humain est meilleur, peu importe ses erreurs. La volonté vient d'ailleurs, l'univers nous connaît par cœur. Parfois c'est difficile de vivre ici sans droit civil, moins de civisme. Ok, ok, hein. Non au capitalisme, non au soi pour soi. Non au capitalisme, non au soi pour soi. Non au capitalisme. Non au soi pour soi, non au capitalisme, non au soi pour soi. Je suis en feu, en sun cowboy, ne dégaine pas ton gun. Je suis en feu, en sun cowboy, ne dégaine pas ton gun. Chacun doit être puisqu'on le veut, autant que faire se peut, ce n'est pas un jeu. Les quatre saisons sont passées, mes souvenirs m'ont rattrapé. De hier à demain, nous sommes peut-être sur le même chemin. Ouh, bravo, bravo. Reviens en arrière pour cocktail. Pour cocktail, attends. Attends avant de démarrer le cocktail, il faut que je retrouve le texte. Remets depuis zéro. Zéro. Je te connais, il y aura deux musiques avec moi aussi. Hein. C'est pas tu me fais une musique et les autres tu fais. Remets depuis zéro le cocktail. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas celui-là, cocktail. C'est pas celui-là. C'était celui d'avant là, ouais, c'est celui-là, celui-là. C'est celui-là, côté, c'est celui-là que je veux. Non, c'est pas cet instru. C'est pas cet instru, je te promets, c'est pas cet instru. Fais play. Non, faut que tu fasses juste celui ici. Fais play. Et c'est bon. C'est ce que j'allais faire. Hein. Ah, ok. Ouais, c'est bon. Là, c'est l'instru. Ok. Ok. J'ai pas le micro, sinon ça fait. Ouais, ok. Non. Ils disent de ne pas faire ci, ils disent de ne pas faire ça, alors que leur morale font des zigzags. Ils disent de ne pas faire ci, ils disent de ne pas faire ça, alors que leur morale font des micmacs. Ils disent de ne pas faire ci, ils disent de ne pas faire ça, alors que leur morale font des micmacs. Ils disent de ne pas faire ci, ils disent de ne pas faire ça, alors que leur morale font des micmacs. Libre de mes choix, en soi la foi, en soi la loi. J'ai ce que j'aime, je ne vais pas me réjouir pour des jeunes. Système solaire, système scolaire, la planète tourne en rond, donc on observe. Le temps et la nécessité sont nos parents. Les deux réunis sont notre argent. Combien de fois va-t-il falloir agir? L'unité est une source de richesse. L'ego ne souhaite pas dire ensemble sans business. Plusieurs idéologies sont terribles. L'union est loin d'être accessible. Infortune sur infortune. Désormais, je vais faire des tubes. Ils disent de ne pas faire ci. Ils disent de ne pas faire ça. Alors que leurs valeurs font des micmacs. Ils disent de ne pas faire ci, ils disent de ne pas faire ça, alors que leur morale font des zigzags. Ils disent de ne pas faire ci, ils disent de ne pas faire ça, alors que leur morale font des micmacs. Ils disent de ne pas faire ci, ils disent de ne pas faire ça, alors que leurs valeurs font des zigzags. Laisse le son tourner. Laisse le son tourner maintenant. Je te préviens, je fais deux musiques. Hein. T'as accepté deux. Hein. Ah, t'as duré combien de temps? Yes, I. Laisse le son tourner. Laisse le son rouler, laisse le son rouler. S'il te plaît, quand je viens sur ta radio, franchement, déjà, j'ai un peu de carré. Ouais, très bien, bravo Black Ace, super, super, super. Bien Black Ace, ça vient bien dans le rythme. Toi, tu veux chanter un truc, tu veux dire quelque chose? Attends, on va entendre ta voix quand même, parce que l'on a entendu ta voix, vas-y. Non, je préfère passer mon tour. Ouais, non mais oui. Tu veux dire quelque chose? Tu penses non. Quoi de la situation mondiale Je suis pas trop au fait de l'actualité, ce que je regarde l'actualité sur mon téléphone, non. Ouais. Je ne regarde pas la télévision. D'accord, mais tu penses quoi du monde comme il est en ce moment? Tu as une Il est en plein changement partout, tout simplement. Et comment tu pourrais rendre le monde plus beau, hein, pas comme tu es habillé avec un truc merveilleux, avec tes cheveux qui tombent devant tes lunettes, il y a un côté beau dans ta manière de te positionner dans le monde. Oui. Comment tu pourrais transmettre ça au monde? En aidant tout simplement les autres. Ouais. Voilà. Un peu de beauté, non? Un peu transmettre ce qu'on pense de nous en beau aux autres aussi, non? Oui, on se transforme tous en père aidant. Ouais. C'est un peu ça. Mère aidant, père aidant. Oui. Frère aidant. Oui. Fils aidant. Non, je le suis déjà. J'ai pas besoin du salaire pour ça. Ah ok. Ouais. Oui. Voilà. Bel esprit. Bon, super. Merci. Ami. Merci ami. Super. Tu veux parler quand tu veux. Tu sais, chacun. L'idée c'est que chacun puisse amener la parole, chronique, prendre la parole, parler ce qu'il veut, parler sur des choses. Dune, voilà, il dit des choses. Et Sophie, elle va parler tout à l'heure de sexualité et spiritualité. John, il fait le sport. Oui. Toi, tu peux pas parler aujourd'hui. Attends. Sylvie. C'est pas son jour. Il y a des jours comme ça. Oui, c'est vrai. Vas-y Sylvie, mais dis bonjour moi. Bonjour, je suis désolée, mais pour l'instant, je n'ai pas particulièrement d'idées à annoncer. Donc, j'attends, depuis tout à l'heure, j'attends, mais je ne sais pas. Ça va venir, hein? Je passe. Ça va venir, oui Ringo, c'est à toi maintenant, tu te prépares, je vais te donner le... Attends, ouais, là, je te préviens, il paye ses droits mon oncle. Bon. C'est comme tu veux. Quoi? Attends, mais qu'est-ce que tu... Mais je le connais bien. Ton père, non, Ringo, si tu veux pas chanter, tu n'es pas obligé. Non, je vais chanter, mais je te préviens qu'il paye ses droits. Mais alors... Ah, il paye ses droits. Non, tout ce qu'il met dedans, et je le préviens. Attends, mais parce que je viens de rester en bon terme avec lui et tout ça. C'est ça qu'il connaît. On a droit à toutes les semaines à son oncle. Son oncle. Son oncle. Un jour, on va l'oncle. Tiens, un jour, son oncle va débarquer ici. Ah non, arrête de parler de moi. Ouais. Ah, et voilà, l'oncle de Ringo. C'est... L'oncle de Ringo, il a des revolvers et un chapeau comme un cow-boy. Attends deux minutes, je veux parler en premier. Bon, Ringo se prépare. Ringo. Mais t'es pire qu'une star, toi, en fait. Bonjour. Ringo. Est-ce que vous allez bien tous? Oui, Ringo. Ça me fait plaisir que vous m'entendez depuis longtemps, depuis que je viens chez mon ami chanter à la radio. Merci pour vous. Falcon, je vais chanter une musique de mon oncle, une mélodie. Et DJ Kass à lui, parce que c'est lui qui fait les musiques de Snoop Dobby Dogg, Tupac. Ah ouais. Et grâce à lui, je suis connu sur Internet, Diamant Noir. Je m'appelle sur Instagram Diamant Noir et sur Facebook Diamant Noir. Et je commence à me faire connaître. Pour l'instant, je n'ai pas enregistré sur YouTube parce que c'est mon nom qui va être mon producteur, fin de compte. Et pour l'instant, je suis stressé vu comment il est mort, mon père, en Amérique. C'est pour ça que je n'ai pas tout à fait enregistré maintenant. Mais dès que le stress, dans 2 mois ou 2-3 mois, qu'il va partir, et bah, je vais enregistrer avec mon oncle pour être connu sur Internet, tout ça avec lui. C'est grâce à lui que j'ai des gens connus sur Instagram. Grâce à mon père qu'il était connu mondialement car il était producteur par tous les stars de musique et des productions de cinéma, qu'il était connu mondialement quoi, grâce à lui, qui m'a laissé des messages. Il a laissé des messages, il a parlé de moi à mon père avant qu'il est mort. Et fin de compte, aussi mon oncle qui m'a laissé des messages sur Internet. Et grâce à lui, je suis connu. Je commence à me faire connaître mondialement dans tout le monde entier par tous les stars du monde. Wow. Merci d'avance que vous m'écoutez. Maintenant, vous allez écouter encore une musique à mon oncle. Oh là là, qui est très très bien. Et Didier Casse à lui, à Milan. Suspense. Développez votre passion. Publicité. C'est quoi cette pub? Non. C'est pire que les stars, c'est pire que les stars. Comme celui qui se fait désirer, mais après. Ok. Ça brise le cœur. Quand tu vois une personne qui part, ça brise le cœur. Mais plus fort, s'il te plaît. Todos los días me estresalo, todos los días me estresalo, que pesalo pa' mi padre, yo que no puedo mirarlo. Está muriendo, quitando pa' otro mundo. Por eso me estresalo pa' mi padre, yo. Todos los días me estresal, todos los días llorar, todos los días, la noche, no puedo durmiendo. No puedo pensar que mi padre muriendo, quitarlo pa' Señor, por eso no puedo pensar lo que muriendo. Tous les jours tu viens, j'arrive pas à penser. Tu viens, tu nais, tu pars comme rien, comme une poussière. Car je pense à mon père, depuis 47 ans je le connais pas, ça me brise le cœur qu'il est mort. Encore un ange sur le ciel qu'il est parti. Tous les jours qui vient, le jour, la nuit, j'arrive pas à dormir comme la pluie tombe, mes larmes sur le visage tombent, des coups de couteau dans mon cœur à moi. Car j'arrive pas à penser, t'es pas éternel sur cette terre-là. Car tu pars, tu viens, tu pars comme rien. Quand Dieu te donne ton destin, tu peux pas partir de ça. C'est comme ça, la vie à tout le monde dans les êtres humains. Et aussi quand je pense, l'humanité part en couille à cause des présidents. Ils partent en couille, ils sont là sacrifier le Christ. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'un être humain? Faut prier à Dieu, faut pas tenter le mal. Quand je vois l'humanité qui souffre à pas prier à Dieu là. Ça me fait souffrir quand je vois l'humanité, comment il part en couille. À cause des billets, font les péchés, à cause des billets. Dans la Wissai, à la Tupac. Mets le son, dans la Tupac. Je vais comme Tupac, dans le son comme Tupac, comme type Tupac. Tout le temps, en paix, c'est moi, Grigo, de retour, la saut dans les bas, faut poster au tout tour. Dans ma vie, j'ai tout perdu, c'est tout comme tu perds. Alors je pourrais du père, je reste carré avec mes affaires. Totalement titi de poitrine, une habitude qui se capture. Respire la France, au moins le force, faut respecter la famille, les amis. Braquage, je passe du bol, le braquage, la délinquance, ta balance. Je chante pour tous ceux qui ont plein de souffrance dans leur cœur. Je chante pour tous ceux qui n'ont pas de père, pas d'enfant, qui pensent seulement à la délinquance. Et l'on m'a dit, j'ai la tête, la tête, le guérin, tout mine. A des respecteries, la familialité, des saladas. Oh yeah! Mais manque pas, mais manque pas, sois coquipé. Mais je t'y vais, mais et ce dia, tout ce dia, me stresse pas mi padre qui est muriendo. No puedo durmiendo, no puedo durmiendo, caminando solo. Que soy solo, que soy solo, todo día, dos me estresa, todo día. Pesalo pa mi padre y yo, que no puedo pesar, que está esquitado pa ser yo. Por eso, caminando solo, fuera. 8 años, saliendo pa mi casa, que no puedo mío más mirarlo. Como mi madre, me pegalo 8 años, saliendo pa mi casa y rollalo, posalo pa mi vida. 45 años, que sufrelo, que no puedo mío más. Yo, todo día, me estresalo. Todo día, me posalo. No puedo, mío más estresalo. Todo día estresalo, todo día lloralo yo. Pa' mí con grande corazón, se rompelo, todos los días verá yo. Hey, hey, yeah. Bravo, Ingo, hey. Bravo. La purée nous avait manqué. Bravo Ringo, bien. Non mais c'est bien Ringo, en plus tu mets de la passion, de la vie. Il met du cœur, de l'énergie. Ouais. Non Mais si, on a l'habitude Ringo. Ringo, de mieux en mieux, hein. Ouais, c'est bien. C'est le fond de l'entrée. Ouais. D'un côté un peu gypsy, un peu gitan. Voilà. Non, à la cubain. Un cubain, ouais. C'est vrai que t'as un côté cubain, Ringo. Hein. Bah, mon père, il est cubain. Ah, c'est pour ça. Ma mère, elle est gitane serbe. D'accord. Ça veut dire quoi la noche? La noche, c'est la nuit. La nuit. Ah. En espagnol. Ouais. Ah. Attends, on va voir. Mais comme ils les chantent aussi, c'est. La noche, la noche. Et après, je me tais, tu vas faire. Noche. Ouais, trouver le mot, purée. Voilà. Tu peux prendre un micro, Sophie, parce que c'est bien. C'était trop fort le micro, par contre. Pourquoi j'entends trop fort là? Parce que tu m'as dit d'augmenter le volume, quoi. Un petit peu. Là, c'est ouais, bon. C'est bon là. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ok. C'est bon, vas-y, on a. Il reste 3 minutes, Ringo. Attends, je vais laisser une deuxième musique. Là, ok. Je la cherche. Je vais voir c'est laquelle. 3 minutes, c'est geste. Hein. Si elle veut pas aller, c'est elle. Mais Sophie, tu n'auras pas eu le temps de parler alors. Sophie, vas-y, mais prends un micro, je te dis. Prends un micro, Sophie. Hein. Là, vas-y. Prends un micro, en vrai. Prends un micro. Non, regarde. Mais qu'est-ce que je dis, chérie? Ce que tu veux. Quand j'ai été dans la maison là, à côté de Picard, c'était sympa. La Colombière. Ouais. C'est du lourd là-bas. Oui, c'est quand la prochaine date? C'est samedi à 15h. Samedi prochain à 15h. C'est samedi là? Ouais. Ok, je viens. La Colombière, ouais. Parce qu'on fait un film, un radiofilm qui va être présenté cet été au cinéma Malraux. Ouais. Mais pas qu'à Malraux. Ouais, l'idée c'est de l'envoyer. Déjà, d'abord à Malraux et après. Au festival des films de la santé mentale à La Villette. On va faire plein de d'accord. choses. Mais si on l'envoie là-bas, il faudrait qu'il y ait toute l'équipe. Et on sera flouté ou on verra notre visage? Comme vous voulez. Hein. Comme vous voulez. Ouais. D'accord. Là, t'as eu un temps d'arrêt. Hein. Quand je dis on sera flouté, on verra notre visage. Parce que dès que t'as dit santé mentale, j'ai fait bon, mes fils savent que j'ai un grain. C'est pas trop grave si on me voit, mais toi, ça va te gêner ou tu veux qu'on te floute? Non, mais on me floute pas, je te le dis d'avance. D'accord. On me floute pas, moi. Ok. Bon. Wow. Moi, je m'en fous, hein. Ça me. D'être. De... Voilà. C'est pas mon premier court-métrage. Faut cette gironde, cette... Tu veux qu'on te floute ou tu veux qu'on voie ta tête en entière pendant le montage? C'est comme tu veux. On va tout mettre en entier, docteur. Martin, pardon, parce que bon, il paraît que... Quand je vous appelle attends, docteur... Attends, il y a un effet là, on parle... Attends, parle. Voilà. Vas-y, Ringo. Comment? À la Colombière, samedi à 15h. Elle n'est jamais venue, Jean. Elle n'est jamais venue. Alors si Christina est bien, tu peux venir, hein, là, franchement. Christina. Ah oui, Christina, oui, je vois. Bah, je vais vous chanter encore une musique à mon oncle. Et merci d'avance de m'écouter. Merci à vous tous. Ça ne dérange pas de m'avoir pris le micro, ma gueule? Voilà. Pas le micro. Ça te dérange pas ma gueule de m'interrompre là? Tu vois ce que je veux dire? Là on part en mode cité, hein. Là on part en mode wesh. Là, bon, il reste une minute, Ringo. Une minute. Donc voilà. Il reste une minute, Ringo. Si Christina est bien, tu peux venir d'une. Hein. Bon. Inch'Allah. Voilà. Je laisse la musique. Il y aura nos deux petits bobos chéris qui viennent nous filmer. Tu voudras pendant le montage qu'on laisse ta tête ou pas? Jamais de la vie. Je serai là, méchante. Ouais, il y a des droits d'image à signer. On va dire au revoir. On va partir avec la voix de Ringo pour la semaine prochaine. Il y a des droits d'image et des droits d'audio. Merci pour tous. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bien sûr, il y a des droits d'image. Merci, bonne écoute. Bonne écoute. Allons-y. On live. Et puis à la semaine prochaine. Je voudrais faire 10 ans de moins, c'est tout. Attends. Voilà. Allons-y. C'est tout ce que je demande. J'entends rien là. Bah, tu es pas mis la main. Voilà. T'es repéré par un producteur, t'es même pas obligé d'aller au sur Apple. Attends! Hey! Bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo b dis-moi, guidi-moi, soit quoi tu veux, soit quoi tu veux, soit quoi tu veux, pas la mère grombli. Ménage-toi, biche, dans la tête, caparavant. Soit quoi tu veux, soit quoi tu veux, mais on va vipier, ça consomme le prochain cadella. Soit cocu et pila mangue corcoro, cassim de vlachororo, cassim bibartalo. En tant que moi, mimou clema. Ménage-toi, ménage-toi, biche, kadia. T'es ma jivina va, t'es ma jivina va kadia. Pekalumia, pekalumia, pekalumia, ménage-toi, t'es jivina va kadia. Palamiri romni Menashtiva me bo Sako kivi sako kivi menashtiva me Bizolate bizolate me mangava me Te paro vava me Menashtiva tengi dimake Silian di bonita nashtiva te di kavla me Suprello Lloralo, pa' mi vida, pa' mi vida, pa' mi vida, yo, que no puedo una mi mujer, yo, sufrelo con la sancero, un bello. Kenneticap, soit coquille, minastiva, minastiva. Bisolate, t'es jubinava. Je marche tout seul parce que pour Dieu, je suis tout seul. Moi, Lucas, je marche tout seul car mon père, ma mère m'a laissé dans l'orphelinat, car j'ai grandi dans l'orphelinat. Car je suis chez des gens que c'est pas mon père, pas ma mère. Car je suis brisé, malmené. tous les jours qui viennent, je donnerai tout que mon père et ma mère soient à côté de moi. Moi, Lucas, je chuche chez des gens que c'est pas mon père et pas ma mère, c'est pour ça que je suis brisé depuis petit. Quand je pense à ma mère, je donnerai tout que mon plus cher veut donner. Dieu, mes deux parents, qui soient à côté de moi pour les dire que je les aime, comme vraiment du cœur, car je les aime. Toute ma vie, car un père, il te donne Dieu, t'as pas 10 000 pères. C'est pour ça, toute ma vie, je souffre dans l'orphelinat. J'arrive pas à m'en sortir parce que je suis dans l'orphelinat. C'est comme ça la vie de, que je suis placé dans l'orphelinat. Je donnerai tout que mon père sache que je l'aimerai toute ma vie et ma mère, car je suis brisé, malmené. Dans ma tête, je vais devenir fou. Je marche tout seul et je pense dans ma tête et je vais devenir fou comme ça, moi. Oh yeah. Sois coquille, sois coquille, sois coquille, ménage tes bambes, ménage tes bambes. T'es jubile en bas, t'es jubile en bas. Sois coquille, bram, bram, bram, bram. Ménage tes bambes. Mais on va viper, mais on va viper, mais on va viper. Sois coquille, sois coquille, ménage tes bambes. Sois coquille, ménage tes bambes. Todo días me estresa lo pa mi padre, pa mi madre, que no puedo le mirarlo. Oh yeah, yeah. Todo días me estresa lo pa, pa, pa.